Il faut, pensa Landry, que j'ai pris le mauvais chemin, car pour le coup, je vois ma droite, la chandelle de la fadette, qui devrait être sur ma gauche. Il remonta le chemin jusqu'à la croix aux lièvres. Il se trouva sur le bon chemin et revint jusque la rivière. Il reprit le guet en biaisant dans un autre sens, et cette fois, il eut de l'eau jusqu'aux épaules. La lumière lui paraissait avoir changé de place, et mêmement, il la vit remuer, courir, sautiller, repasser d'une rive à l'autre. Cette fois, Landry eut peur et faillit perdre la tête. Il avait ouï dire qu'il n'y a rien de plus abusif et de plus méchant que ce feu-là. Il sortit du trou et se retrouva au rivage. Il se jeta alors sur l'herbe et regarda le follet qui poursuivait sa danse et son rire. Landry n'osait point bouger, car de retourner sur ses pas n'était pas le moyen de faire fuir le follet. Il grelottait de peur et de froid lorsqu'il entendit derrière lui une petite voix très douce qui chantait « Fadé, fadé, petit fadé, prends ta chardelle et ton cornet. J'ai pris ma cape et mon capé, toute follette à son follet. » Et tout aussitôt, la petite fadette, qui s'apprêtait gaiement à passer l'eau sans montrer crainte ni étonnement du feu follet, heurta contre Landry, qui était assis par terre dans la brune. « C'est moi, Fanchon, » dit Landry en se relevant. « N'aie pas peur, je ne suis pas ennemi. » « Je vois bien, beau Besson, » dit alors la petite fadette, après qu'elle se fut consultée un peu, « que tu me flattes parce que tu es à moitié mort de peur et que la voix te tremble dans le gosier, ni plus ni moins qu'à ma grand-mère. Allons, pauvre cœur, la nuit, on n'est pas si fier que le jour, et je gage que tu n'oses passer l'eau sans moi. Ma foi, j'en sors, » dit Landry, « et j'ai manqué de m'y noyer. Est-ce que tu vas t'y risquer, fadette? Tu ne crains pas de perdre le guet? Et pourquoi le perdrais-je? Mais je vois bien ce qui t'inquiète, » répondit la petite fadette en riant. « Allons, donne-moi la main, poltron. » Là-dessus, avec plus de force que Landry n'eût supposé qu'elle en avait, elle le tira par le bras et l'amena dans le guet en courant et en chantant. « J'ai pris ma cape et mon capé, toute fadette, à son fadet. » Landry ne fit pas de résistance et fut tout rassuré en sentant que la fadette le conduisait si bien qu'il marchait à sec sur les cailloux. Mais, comme ils marchaient vite tous les deux et qu'ils ouvraient un courant d'air au feu follet, ils étaient toujours suivis de ce météore, comme l'appelle le maître d'école de chez nous, qui en sait long sur ces choses-là et qui assure qu'on n'en doit avoir nulle crainte.